Yeah. Come on, come on and jump. Ah ouais donc, ah ouais donc. Come on, come on and jump. Ah ouais donc, ah ouais donc. Sans la tabaloune, c'est plus fat qu'au foufoun. Ta petite pochette blanche, yeah, c'est pas pour les clowns. Assis dans le salon, tout à coup je me sens amoureux. Hey le gros c'est qui? C'est la dame en bleu. Plus chic que jamais, aucune trace de rouille. Des fois on manque de capote, fait qu'on se débrouille. Pof la tabaloune si tu veux un boss qui frappe. Mais pof pas trop petit compte, sinon tu planteras en pleine face. Hey le chum, t'as-tu 300 piastres? 300 piastres. On va se payer un trip, moi pis toute ma gang de saf. THIB pis spec connecté, ça même tank. J'suis tellement bossé, j'perds ma vue, j'perds mon sling. Come on and jump. Ah ouais donc, ah ouais donc. Come on and jump. Ah ouais donc, ah ouais donc. Gonfle ton ballon, remplis-toi les poumons. Prends-toi une coupe de pof, pis tu vas tomber, ça sera pas long. Secteur bleu, mes babines en feu. J'en sous mon Ikea, pis j'en prends encore un peu. Mes oreilles bourdonnent, mon chum, j'prends mon microphone. Un autre pof de plus, pis la ballon m'assomme. Donc, azote vient d'un. Y'a plus grand chose, j'comprends. De pogner la dame, ça j'te le dis, c'est tentant. Si t'en prends, fais-lui file, mon chum, si tu m'entends. J'avance d'avant, pis parfois, c'est en chance là. Come on, le chum. Ah ouais donc, ah ouais donc. Come on and jump. Ah ouais donc, ah ouais donc. Come on and jump. Ah ouais donc, ah ouais donc. Come on and jump. Ah ouais donc, ah ouais donc.